Le plan d'aujourd'hui à Assemblage Requis. La chronique Police Dead de Simon Fitzbé. Et les incorrigibles pour nous dire si Patrick a tenu son, son pari. C'était Assemblage Requis, ça commence tout de suite. Ah oui, ah ok, ça va. Bonjour et bienvenue à l'émission Assemblage Requis, l'émission du retour en pièces détachées sur les ondes de C'est fou. L'émission qui commence par surprise. C'est comme un ninja qui arrive de l'ombre. Wouchha! C'est super le fun. Aujourd'hui à l'émission, on a évidemment Simon Fitzbé avec sa chronique Paul is Dead. Aujourd'hui, il nous parle de Kurt Cobain. Il va nous raconter son histoire. Oui, c'est un peu la suite hein, de la chronique de la semaine dernière où il nous parlait en fait de l'histoire d'amour avec Courtney Love. Et là, il va plutôt nous parler de la mort de Kurt Cobain. C'est aussi triste. Je pense. Alors, on va recevoir... Vas-y. Non, vas-y. On va recevoir les incorrigibles à la fin de l'émission, comme d'habitude, comme tous les mercredis. On va savoir enfin si Patrick a tenu sa promesse. On se rappelle que la semaine passée, en direct, dans notre émission, il avait dit qu'il allait arrêter de fumer. Oui, c'est ça. Il a arrêté de fumer, en fait, dans l'émission ici. Donc, on lui souhaite d'avoir tenu, j'espère, une semaine, parce que, en fait, l'objectif, c'est d'arrêter pour le reste de sa vie. Donc, s'il n'a pas tenu une semaine, ça ira pas bien. Une vie, c'est long. Oui, hein? Quand même. On va aussi avoir une chronique technologique CNX. Aujourd'hui, on essaye un nouveau concept de fusion des genres. Ça va être CNX Palmarès. Donc, des palmarès quelconques à l'intérieur de la chronique CNX. Vous allez voir tantôt. Qu'est-ce qu'on va avoir aussi? On va parler de plein de trucs vraiment géniaux dans l'émission d'aujourd'hui. Vous allez voir, ça va être pas mal intéressant. Hein? Je suis bon vendeur, hein? Hein, Kiwan? Ça va être vraiment intéressant. Vraiment très, très bon. Vraiment, là, c'est... On va aussi, dans l'émission aujourd'hui, avoir un album de Jet à vous donner. Ah, c'est vrai, on a un album de Jet à vous donner. Mais avant ça, on va commencer avec un groupe qui est près de notre cœur. Disons que c'est passé assez inaperçu dans le palmarès anglophone, ça, la formation de Shaq Botts et leur album We Were Born Tigers. On écoute Kildo Martinez à son match rookie. Sur les ondes de C'est fou, 89.1 FM. Ouais, ouais vraiment décidant. Hein. Un début où je savais comme pas trop qu'est-ce que je faisais là-dedans. On dirait, tu trouves pas? C'est comme... La bonne émission, Mathieu. Hey, merci toi aussi. Sûrement. Yeah. Beach House avec la pièce Walk in the Park, assemblage requis. Excellent, excellent. En effet, c'est bien l'assemblage requis, c'est bien l'émission du retour en pièces détachées. Nous sommes bien Kiwan et Mathieu. C'est vrai ça? Oui, et on va être accompagné de quelques autres gens qui vont passer dans l'émission, dont Simon Fitzbé qui s'en vient dans une quinzaine de minutes et les incorrigibles à la fin de l'émission. Mm-hmm. On les appelle des morceaux, nous, mais c'est pas très fin pour eux autres. Et même, je me permettrais même d'annoncer que dès lundi prochain, il va y avoir un nouveau morceau qui va s'ajouter à l'émission. Arrête-moi ça! Je te le dis. Un nouveau morceau à la marine, toi! Et oui, on va avoir un correspondant de Roman Villois dès lundi prochain ici à l'émission Assemblage Requis. Manquez pas ça. Eh, c'est pas rien, ça. Il y a des envoyés à Londres et des envoyés en Israël. À elle pour les autres radios. Nous, on a un envoyé à Drummondville, on est chanceux. Savais-tu, Kiwan, que les Delaware Chuck, oui, cherchent des figurants pour leur prochain clip? c'est vrai. Le réalisateur Matt Cyr va tourner son premier court-métrage. Lui qui est connu pour avoir tourné le clip des Delaware Chuck pour la pièce Deuxième Galette. Je sais pas si t'as vu le vidéoclip. Deuxième Galette. Non, mais le communiqué dit qu'il est connu pour avoir tourné ce clip-là, donc j'imagine que certains gens l'ont vu, le clip. Je l'ai vu, c'est pas grand-chose dedans, mais okay. Quand même. Bon. Bref, Matt tourne son premier... tourne un court-métrage. Les Delaware Chuck vont participer à ce court-métrage-là et à la fin, le réalisateur va prendre le vidéoclip qui va être à l'intérieur de ce court-métrage-là. Il va faire le clip pour la pièce Le Reel du Petit Minou. Les détails ont l'air compliqués comme ça, là, mais il a besoin de figurants pour le tournage d'une scène de son premier court-métrage. Hein? Bon. Les Delaware Chuck vont participer à ça. Il va y avoir une scène dans le court-métrage avec les Delaware Chuck. Ils vont prendre ça va faire un teaser ou une bande-annonce pour le court-métrage du gars. Et en plus, ça va être le vidéoclip pour la pièce Le Reel du Petit Minou. Donc bref, le clip, ouais. Ça va être une scène du film. C'est ça. Et cette scène-là va servir de teaser. Uh-huh. Donc ça veut dire que d'une part, la pièce est quand même assez courte et le court-métrage doit être quand même assez long. Ouais, c'est ce qu'on peut imaginer. La pièce dure 1 minute 39. Là, donc, okay. Si le 1 minute 39 n'est qu'une partie du court-métrage, il doit être pas mal plus long que 1 minute 39. C'est logique, t'as raison. C'est où, c'est quand? Ben, ça se passe au Salon officiel, 351 rue Roy-Est. C'est dimanche à compter de midi. Il y a un événement Facebook. Vous pouvez taper tournage, court-métrage, les Delaware Chuck, pour avoir tous les détails là-dessus. Et si vous voulez confirmer votre présence, il y a une adresse courriel là-dedans. Et puis, c'est ça qui est ça. Bar Salon officiel. Bon. À Montréal, j'imagine. Ouais. Voilà, pour ça, on va aller entendre leur pièce, les Delaware Chuck, Le Rire du Petit Minou. C'était dans le palmarès. Aussitôt que le CD était sorti, c'est rentré dans nos palmarès ici assez fou. Là, ça n'est plus depuis un méchant bout, mais ils font un clip avec. OK, ben on va l'écouter. Ben, bonne idée que t'as eu là. À Assemblage Rocky. Au 89 FM. Assemblage, Rocky, Kiwan, Mathieu, sur C'est fou, 89.1. Même si chaque tu inonde et que je veux vivre avec toi, moi je veux vivre dans le monde, je faisais déjà sans toi. Je sais que ce n'est pas facile, que le cauchemar revient parfois. Pour traverser, puis d'abord j'ai déjà fait mon choix. Je n'irai pas sur ton île pour m'ironiser avec toi. Pour m'ironiser La pièce The Ocean par Tegan and Sara à Assemblage Requis. Très bon. Ça, leur pièce Arrow est toujours dans le palmarès en passant. Oui. Très bon, Tegan and Sara. Hey, petite suggestion, Mathieu, pour en fin de semaine. Ah. On a déjà parlé beaucoup parce que c'est le spectacle qui nous attire le plus, Mille Monarques à Shawinigan. Mais il y a d'autres choses qui se passent aussi en fin de semaine. Il y a entre autres la 4e édition de la série de concerts Feu de forêt dans le désert. On aura l'occasion de vous en reparler plus en détail probablement demain. Mais ce dont je veux vous parler aujourd'hui tout de suite, c'est un événement qui se passe, c'est un événement en fait qui est organisé par le HIC. Tu connais le HIC? Oui, Sébastien Dulieu de ses amis. Ça, il nous en parlait souvent ici quand il y avait sa chronique dans l'émission. Et prochain événement, c'est le 20 février, c'est samedi qui s'en vient. Donc, je vous fais la description de l'événement. Donc, les artistes vont performer seuls et en duo sous la contrainte d'une caméra. Ils auront à composer avec leur propre image captée et projetée en direct, créant ainsi une frontière visible entre le réel et le virtuel. Donc, en performance, samedi, il y aura Laurent Bélanger et Isabelle Clermont. André-Éric Letourneau, Francis Arsenault, Sébastien Dulude sera là, Monsieur et Madame Blanche. Donc ça se passe samedi, c'est à l'atelier Silex, c'est organisé par le HIC. Et voilà, c'est samedi le 20. C'est intriguant. Le 20 à 20h, facile à retenir. Ouh, ça. Cleaning, visuel 20. Non, ça me rappelle ça. Ah, tu vois, ça me rappelle rien ce que tu viens de dire là. La clinique visuelle 20-20. Ah, OK. En tout cas. Alors, on va l'entendre un nouvel extrait du palmarès qui va en fait faire son entrée officiellement demain dans les palmarès C'est fou entre 13h et 15h, n'est-ce pas? Oui, ça sera la position numéro 20, la nouvelle entrée demain du palmarès francophone. C'est le groupe Le Sabot Trio. On va écouter la pièce Jenny Girl tout de suite à Assemblage Requis. Yeah. part in Denver, USA. You can't tell from the top of the mountain, but you didn't count on becoming what you are today. Let's all go riding bicycles. Globes on Remote et la pièce DT Lips de Paperback Porn Writer. Leur CD de Woohoohoo est maintenant disponible sur iTunes et c'est vraiment excellent, ça. Mm-hmm. C'était-tu un commentaire éditorial, ça, de Woohoohoo, ou non? C'est vraiment le nom du... C'est les deux, finalement. OK. Les deux. C'est aussi bon que le nom de l'album, finalement. D'accord. Hey, Simon Fitzbé s'en vient dans quelques minutes avec sa chronique Paul Esdel. Il va nous parler de la mort de Kurt Cobain. Mais juste avant ça, on va retourner en musique, une petite pièce avant l'arrivée de Simon. Oui, tout à fait. On s'en va entendre un extrait de... attends, je le cherche, je le trouve pas. Je cherche. Colin, qu'est-ce que c'est? Ah, ben oui. Oh, c'est pas parce qu'on cherche qu'on va trouver nécessairement. Hein? Tiens, voici Plush Gun et Let Me Kiss You Now and I'll Fade Away. C'est dans les pages jaunes, je pense. Hein? Ouais. Je l'ai trouvé. Cherche bonne musique et tu trouves. Playing all these games, just a time to waste. As soon as I met you, it all began to fade. So let me kiss you now and I'll fade away. You say you should be free, I know you said that once. Just tell me it'd be me if you ever break that thought. Cause I like you, yeah, I like you, so I wrote this song. Now let me know that I will move along. Formation Plush Gun et la pièce Let Me Kiss You Now and I'll Fade Away, leur album Pins and Panzers est lui aussi disponible sur iTunes, pareil comme Globes on Remote, c'est tellement bon. Encore une fois, je me répète, mais c'est demain. C'est toujours l'émission Assemblage Requis en compagnie de Kiwan et Mathieu et on accueille tout de suite Simon Fitzbé. Bonjour Simon Fitzbé. Bonjour messieurs, ça va bien? Oui, très bien. Merci beaucoup, toi ça va? Oui, ça va très bien, merci. Ta nouvelle émission, On s'appelle, on déjeune, est excellente? Bien, merci beaucoup. Mmh, et pareil comme, pas pareil, mais c'est quand même pas mal en tout cas. Comme je dis, en fait, c'est le même contenu, même concept qu'on avait depuis la dernière semaine, mais avec un nouveau nom, pas mal meilleur. Un nouveau bol, un nouveau contenant, c'est très, très feng shui, je trouve. Ouais.

Bon retour et bienvenue dans la deuxième heure d'Assemblage requis. Dans cette deuxième heure, il reste encore beaucoup de choses à passer, Mathieu. Oui, on va recevoir les incorrigibles tantôt, là, ceux qui nous énervaient pendant la chronique à Simon tantôt, là, oui. Qui nous pitchaient des petits cartons. Là, ils vont venir nous dire si enfin Patrick Laperrière a su tenir sa promesse d'arrêter de fumer qu'il a commencé à l'émission de la semaine passée. Donc ça, c'est dans une vingtaine de minutes environ. Oui, il va aussi y avoir une chronique technologique CNX tout à l'heure. Mais avant ça, il y a un événement très important qui a lieu demain soir. Et Simon Fitzbé est toujours avec nous pour nous en parler. Ben oui, ben je vais me faire porteur de la cause. En fait, les étudiants de communication sociale font un show demain pour financer leur voyage à Moncton dans le cadre des Jeux de la communication. Mm-hmm. Et c'est 10$ le billet. C'est au 10-12 demain à 8h, donc à 20h. Mm-hmm. Ça va être, selon moi, ça va être très intéressant. J'ai pas vu tout ce qui va être présenté. Je sais qu'il y a entre autres une de nos animatrices ici assez fou qui vend ses billets moins cher. Qui vend ses billets moins cher en plus. Seulement de moins. Et il va y avoir plein, en tout cas, plein d'artistes. Là. Ça, à ce qui paraît, ça va être très, très bon. Bon, donc c'est demain. Voilà. Moi, je vais être là. Au 10-12. Ça s'appelle Comment dire. Comment dire. C'est un jeu de mots avec comme. J'ai bien pensé. C'est fort. Ouais. Donc voilà, nous on retourne en musique, on va l'entendre un petit peu de Jet. Pourquoi? Ben parce qu'on a un album à vous donner. Oui, on a un album de Jet à vous donner. Si vous voulez cet album, vous nous appelez tout de suite pendant qu'on écoute la pièce de Jet qui s'appelle... Black Hearts on Fire! Ben, je vais le prendre, moi. faut que t'appelles, Simon. Tu peux nous appeler au 376-5183, puis tu seras dans la course. Ouais. C'est bon, t'as mis ta plugin numéro, c'est ça qu'il fallait. Bonne chance, Simon. 819-376-5183 pour un album Jet! Of my mind. Your black heart won't be around just to see me fall. Patrick et les Brutes avec la pièce « Toutes les filles sont folles de moi », c'est la position numéro 14 du palmarès francophone qui va être diffusé en entier demain dès 13h. Ah, quelle belle plug, j'aime ça. Vous êtes à Assemblage Requis, l'émission du retour en pièces détachées avec Kiwan et Mathieu jusqu'à 17h. Et maintenant, ben, c'est le moment de la chronique technologique. Comment on appelle ça déjà? Je suis plus sûr, t'as peu. C'est, ouais, C, ok, ouais, c'est bon, C. N. N, comme dans E, comme dans N, déjà, non? X. Ah! Palmarès. Et aujourd'hui, dans la chronique technologique CX, on essaie quelque chose de nouveau. Encore une fois, ça arrive. On mélange les styles. On mélange les palmarès, c'est qu'on connaît bien comme les palmarès, c'est fou, là, avec CX, le concept technologique. Donc, j'ai trouvé sur le site zigolette.com. En fait, c'est Émilie Gauthier, que tu connais peut-être. Mm-hmm. Il m'a faufilé ce petit lien-là. Via zigolette.com, donc le top 6 des gadgets les plus insolites, selon eux. Utiles ou loufoques, 6 gadgets vraiment insolites qui vous séduiront sûrement. Commençons par leur numéro 6, le plus petit lecteur MP3 du monde. C'est l'Ultimate Smallest MP3 Player qui est le plus petit lecteur MP3 du monde. 2 gigs de mémoire, 5 heures d'autonomie et même une radio pour moins de 100€. Mais comment il est gros? Il était comme ça à peu près, là, genre un centimètre. Comme un 2 centimètres. Ouais, comme un D environ. C'est plus gros qu'un D, à peine. Position numéro 5, le réveil économique. Le Bang Clock est un réveil économique qui vaut vraiment de l'or, dit l'article. Comme une tirelire, glissez-y une pièce pour que son alarme s'arrête. C'est numéro 5 des gadgets les plus insolites. En position numéro 4, on retrouve un oreiller Bluetooth. Pratique pour dormir et travailler. Connectez votre téléphone portable à l'oreiller Bluetooth Percussion. Hein, Percussion, comme c'est un jeu de mots avec percussion. Genre. Cushion comme coussin, per comme dans... pour pouvoir parler avec n'importe qui, voilà, un oreiller Bluetooth. C'est la position numéro 4. En troisième, un téléphone spatial. Un téléphone uniquement disponible en Chine. Le Shenzhou 7 a de quoi laisser la tête dans les étoiles. Téléphone spatial. Pas trop certain de comprendre. Ouais, pourquoi? On sait pas pourquoi, en fait. Parce qu'il il est en forme de fusée. Ah, OK. Téléphone en forme de fusée. Insolite, ça veut pas dire utile. Ça peut être inutile aussi. Deuxième position du palmarès des gadgets les plus insolites selon zigonet.com, c'est un maillot de bain solaire. Plus besoin pour vous, mesdames, de passer de longues heures au sommeil. Au soleil, oui. Ça n'aurait pas de sens au sommeil, hein? Bon. Pour la marque de lingerie Triumph, la solution est toute trouvée. C'est un maillot de bain solaire qui recharge vos gadgets. Et hein? OK, ça sert à recharger les gadgets. Ben en fait, c'est ce que j'en comprends là. Les solaires. Maillot de bain solaire. Le maillot de bain solaire. Ouais, puis un fil qui dépasse avec un genre d'appareil dans sa main. C'est pas très détaillé comme article. Eh ben. Et top 1, un GPS adapté à toutes les circonstances, une protection personnelle adaptée à la prostitution, système de repérage GPS et alarme intégrée dans une chaussure. Il y a une galerie de photos que j'ai mis en lien sur assemblagerequis.com et ça mentionne aussi à l'intérieur de cette liste-là une liste d'autres gadgets. Là, par exemple, qu'est-ce qu'on retrouve ici? Le Centerfold, une guitare portative pliable. Il y a aussi Rolly, le robot MP3. Et sinon, il y en a plein d'autres. Le smoker's phone, le téléphone et paquet de cigarettes en même temps. C'est via zigonet.com. J'essaie sérieusement de comprendre le maillot de bain solaire. Là. Plus besoin pour vous de passer de longues heures au soleil. Pour la marque de lingerie Triumph, la solution est toute trouvée. C'est quoi? C'est le maillot de bain fait bronzer, quoi, peut-être, non? Je sais pas. Il y a comme des bandes solaires sur le maillot de bain. Et je vois un fil et un appareil dans la main de la fille. Donc moi, je déduis que c'est pour recharger les appareils. Mais si on dit qu'on n'a plus besoin de passer des heures au soleil, ça veut dire que ça remplace l'effet du soleil. Ah! T'as raison là-dessus. En tout cas, c'était le top 6 des gadgets les plus insolites. C'est pas le plus grand succès à date, mais bon, quand même. C'était très insolite, en tout cas. Ouais, c'est ça. Que dirais-tu aussi de parler de d'autres gadgets insolites encore plus? Parce qu'il y en a encore d'autres. Crois-moi ou crois-moi pas. Il y en a qui sont encore plus insolites? Apparemment. En fait, c'est 5 accessoires qui changent la vie des gens. Mais là, c'est insolite dans le sens d'utile. D'accord? Donc, soucieux de notre bien-être et de notre confort, les inventeurs n'ont de cesse de créer des outils qui nous rendent la vie plus facile. dit encore une fois Zigonette. Commençons par la position numéro 1. Tiens, des prises branchées. Marre de voir le carré blanc et ses deux trous plantés dans le mur. Moderne et usique, ces prises sont indispensables pour ceux qui ont le souci du détail. Donc, on trouve des fils qui ont des formes particulières. Ça peut ressembler à un petit genre de petit robot avec des mains ballottantes. Et là, tu peux brancher les fils dans ce petit bonhomme-là. Ou ça peut ressembler à... il y a une prise avec un trou à l'intérieur. Donc, tu peux facilement mettre ton doigt et tirer sur le fil au lieu de prendre de la prise. Des fois, ça peut être difficile de prendre la prise. Tu insères ton doigt et cling, ça sort. C'est un des gadgets qui nous change la vie, ça, apparemment. Le couteau suisse du 21e siècle. MacGyver n'a qu'à bien se tenir. La technique avance, le couteau suisse aussi. C'est une clé USB, un système Bluetooth, en plus d'avoir un paquet d'autres affaires comme ça. Donc, une clé USB, couteau suisse. Mais il n'y a pas les accessoires traditionnels du couteau suisse, donc ça n'a vraiment rien à voir avec un couteau suisse. Ben, il y a des ciseaux. OK, il y a vraiment... Un petit, ouais. OK, quand même. Quand même. Passons à la prochaine position, qui est la troisième, la douche ludique. Consultez la liste des courses pendant votre toilette, c'est désormais possible. Et pour ceux qui préfèrent écouter de la musique pour commencer la journée, plus besoin de monter le volume à fond. Hein? C'est un petit pad blanc qu'on peut afficher sur le mur de sa salle de bain. Il y a un petit crayon à l'épreuve de l'eau qui va vous permettre d'écrire, entre autres. Là, on parle encore de maillot de bain. J'espère qu'il est plus facile à comprendre, ça. Des maillots de bain qui sèchent instantanément grâce à un tissu qui repousse l'eau au lieu de l'absorber. Hein? Pour nager ou pour bronzer, réjouissez-vous si vous ne supportez pas le sable qui colle à la peau. C'est la quatrième position des gadgets qui changent nos vies. Et finalement, le numéro 5, miroir, mon beau et pratique miroir, dit l'article. Avec ce miroir, plus besoin de se tordre dans tous les sens pour se coiffer ou se maquiller. Équipé d'une applique murale et de 6 miroirs repliables, ce gadget sera, mesdames, votre meilleur allié. Donc, c'est sérieusement un miroir avec des petits miroirs qui se déplient. Bon mot. Pour te permettre d'avoir un genre de vision presque 180 ou plus de ta tête. T'es comme au centre d'un miroir qui fait le tour de toi, c'est ça? C'est ça. C'est comme le film de ta vie. Qui défile devant toi. Mm. Vive la technologie. Voilà donc pour cette chronique Célix Palmarès. Chronique qui va se retrouver dans l'émission, en fait, CNX.zip. C'est demain, jeudi, entre 10h et 11h. Soyez à l'écoute. On y sera. Il va y avoir de la musique de jeux vidéo, c'est une autre très bonne raison de s'intoniser. Uh-huh. Et on va continuer la série en concert de Jonathan Mann, l'opéra de Mario Bros. Wow. Demain, 10h à CNX.zip. Et il y en a d'autres chroniques comme ça à Assemblage Requis, une fois de temps en temps, entre 15h et 17h. Parfait. Nous, en attendant l'arrivée des incorrigibles, on va retourner en musique. On va écouter la pièce, nouvelle pièce, en fait, qu'on connaît pas, qui était pas sur l'album La mer était vide de Vanessa Parietter. La pièce s'appelle Givresse. C'est sur la compilation des Frères du Son. Et on écoute ça tout de suite à Assemblage Requis. Ah, c'est fou, 89 FM. Maillot de bain, je sais pas. Peut-être qu'il fait. Faut en acheter un, peut-être. Bonne idée. Dépensons le budget non existant, c'est fou pour ça. C'est comme un Vous écoutez Kiwan et Mathieu, assemblage requis. Ouais, t'es sur Facebook une fois de temps en temps, toi? Ça arrive. Ouais, parce que t'as vu tout le monde qui devienne fan de la page, genre, pour pas que le Maquisard devienne un restaurant, là. Ben oui, je suis membre de cette page. T'es membre? Tu... Ben, ça... Je suis fan, tu... adepte, je sais pas. Non, mais toi, pourquoi tu parles de ça, en fait? Là? Ben, en fait, parce que je viens de voir un autre groupe qui dit pour que le Maquisard devienne un Simons à Trois-Rivières. Un magasin de linge. Et toi, qu'est-ce que tu voudrais que le Maquisard devienne? Ben, j'ai l'idée d'une salle de spectacle, peut-être avec un restaurant à l'intérieur et un bar, tu sais, comme j'avais lu dans un article récemment. Mais là, pour juste un restaurant tout seul, je sais pas. Je veux dire, oui, le monde dit qu'il y a assez de restaurants à Trois-Rivières, ouais, mais tu sais. Ben, s'il est original, tant mieux. Ouais, c'est non? Ça. Puis ça, en même temps, c'est le. T'sais, c'est le marché qui va décider ça. Là, s'ils font un restaurant et qu'il marche pas, ça voudra dire qu'il y avait vraiment trop de restaurants. Mais s'ils marchent, ouais. Ben là, ils auront eu raison. Mais c'est le problème, moi, je pense que c'est plus qu'il manque une salle de spectacle. Exact. Donc, tandis qu'il manque pas, il n'y a pas un manque criant de restaurants là, sur la rue des Forges. Mais bon, peut-être qu'on a besoin aussi d'un autre restaurant, mais je pense qu'on a plus besoin d'une salle de spectacle. Tout à fait, mais ça, je serais pas contre le fait qu'il y ait un restaurant dans la salle de spectacle. Sûr. Non, c'est sûr, tout à fait. En tout cas, bref, je serais pas membre de ni l'un ni l'autre, je pense. Ouais. Ni l'un ni l'autre. Bon. Par exemple, une nouvelle. Un nouveau groupe? Ouais, avec ton rêve le plus fou là, pour le Maquisard. Ça pourrait devenir une arcade. C'est tellement à la mode. Ils ferment tout une après l'autre. Oui, il n'y a pas d'arcade à Trois-Rivières. C'est tout fermé, je pense. Ouais. Ouais. En tout cas. Bref, hey, il reste le LAN solo qui est à côté de l'UQTR. Allez-y. Ouais. Jeux en réseau. Ouais, c'est ça. Non, mais tu sais, un vrai arcade là, avec des jeux d'arcade. Là. Ah, mais c'est écœurant comme place, là, je veux dire. Oh, oui, je suis sûr, là, mais. Bon, c'est ça. On est pertinent aujourd'hui. Ce qu'on a entendu tantôt, c'était les trois accords avec le bureau du médecin. Pour ceux qui se le demandaient, qui se disent « Mais c'est donc ben bon, cette chanson-là! » Ben voilà. Écoutez, c'est fou une fois de temps en temps et on en joue de la très, très bonne musique. Et là, on va continuer en musique tout de suite. Oui, on attend encore les incorrigibles qui se font attendre et qui vont défoncer de plus en plus dans ton émission. Et oui, mais message aux incorrigibles s'ils sont à l'écoute. On attend les incorrigibles. C'est long! En attendant, on va écouter une pièce extraite du nouvel album de Los Campesinos. Cet album s'appelle Romance is Boring, mais on va écouter la pièce. Attention, je me prépare. La pièce s'appelle A Heat Rash in the Shape of the Show Me State or Letters from Me to Charlotte. Wow! On l'écoute tout de suite. À Assemblage requis. C'est pas la traduction. Non, je sais même pas. Was following the eye, was following the eye, was following the eye. Fleet Foxes et White Winter Hymnal à Assemblage Requis. Que c'est donc calme, que c'est donc hivernal. Le titre va bien avec. Oui, juste avant ça, je veux le rappeler simplement pour dire le nom, parce que je trouve ça quand même amusant de dire le nom de cette pièce de Los Campesinos. La pièce s'appelle A Heat Rash in the Shape of the Show Me State or Letters from Me to Charlotte. Et c'est la pièce qui a le plus de mots ou de lettres dans l'album Romance is Boring de Los Campesinos, suivi en deuxième position par We've Got Your Back, Documented Minor Emotional Breakdown No. 2. C'est la deuxième pièce à pluie. Et ce sera la prochaine qu'on jouera peut-être. Hein? Probablement. On va y aller par ordre de longueur de titre. Ouais. Quand on a besoin de contenu, des pièces avec des 25 mots dans le titre, ça fait la job. Si on n'avait pas de chroniqueur, il ne se passerait pas grand-chose dans ces missions-là. On s'en va entendre une pièce qui est dans le même esprit que Fleet Foxes, n'est-ce pas, Kiwan? Oui, c'est très bon. On va aller écouter du Deer Hunter avec quelle pièce, non? Nothing Ever Happened. Écoute ça tout de suite à Assemblage Requis. Mes H aspirées en anglais sont pas à bonne place. Nothing. Nothing Ever Happened. Ever. Pas ever, parce qu'il n'y a pas de H au début de ever. Merci pour le cours. C'est vraiment possible, je veux dire. De là à commencer à te traduire chacune des pièces, là, je ferai pas ça non plus. Je pas, non? Non. Peut-être. Parce que le Show Me State, je sais pas c'est lequel. T'sais, chaque état aux États-Unis a un nom. Le Show Me State, je me rappelle pas c'est lequel. J'ai vraiment cherché, mais bon. Ça te tente pas. Dee Runter avec la pièce Nothing Never Happened. Oui. Assemblage requis. Et maintenant, ben, les gars tardent à arriver. Que voulez-vous, des fois, les gars sont pas super fiables. Ils font du bon humour, donc c'est correct. On parle des incorrigibles qui sont ici d'habitude avec nous à cette heure-là, le mercredi. On a quand même du matériel de leur part, donc on va le jouer pour eux autres. Okay? Nick, je ne suis pas ton père, mais j'ai quand même baisé ta mère à plusieurs reprises. Les incorrigibles! Ça, c'est pas, ça n'aurait pas arrivé s'il avait été là. Ça, je m'excuse. OK. La semaine passée, quand les gars étaient venus, ils nous avaient parlé du fameux seuil de 2 minutes et demie, hein, avec cette pièce-là, que d'habitude, d'après 2 minutes et demie, les gens trouvent ça insupportable. Et, c'est soit, là qu'on est rendu. Ouais, soit ils se frappent la tête sur le mur ou il se passe quelque chose, assurément. Puis on a effectivement atteint le seuil de 2 minutes et demie. On voulait se rendre jusque-là. On s'est dit, oh, on est capable de dépasser le fameux seuil, mais non. Il en reste 4 minutes de ça. C'est ça, il en reste encore vraiment longtemps. C'est ça qui est le plus insupportable. Mais quand même, faut avouer là, que la reprise, l'interprétation de la pièce est vraiment originale et c'est vraiment très bien fait. C'est digne de Sylvain et Cossette. Mais moi, en tout cas, j'adore. Ouais, c'est très, très bon. Ouais, j'adore l'orchestration. C'est très bon. C'est viril. Les gars des Incorrigibles qui, d'habitude, sont en studio avec nous pour nous présenter ce qu'ils font comme humour, comme matériel. Nous parler de leur site web, lesincorrigibles.tv. Et pourtant, les gars étaient là tantôt. Au moins, Patrick avait passé nous voir en studio, nous lancer des petites cartes faisant mention du fait que leur site web contient vidéo, parodie et satire. Mais que voulez-vous, aujourd'hui, ils sont pas là. Ça arrive. Donc, on peut pas savoir rien de plus que ça. On sait, par contre, quand il est venu nous voir tantôt, il nous a dit que son défi qu'il avait lancé la semaine dernière d'arrêter de fumer, il a commencé à arrêter ouais. de fumer. Il a arrêté live dans l'émission ici de fumer. Et puis, selon ce qu'il nous a dit tantôt, quand il est passé comme un coup de vent, le défi tient encore. Donc, il n'a toujours pas recommencé à fumer. Donc, bravo. Ben oui, félicitations. Mais là, dans le fond, il n'est pas là aussi. Peut-être que finalement, il a craqué. Juste avant, il est allé fumer, puis peut-être qu'il a explosé quand il a fumé. C'est ça qui arrive quand tu recommences à fumer après une semaine, t'exploses. Mm. Ah, il y a un petit freestyle, là, le style change dans la chanson. Ouais, ouais. Pas mauvais du tout. On se quitte là-dessus, puis on va écouter après ça une pièce de l'album des Francs Couvertes, la compilation du 14e anniversaire. Il y a une pièce qui vient de pénétrer dans le palmarès. Officiellement, ça va être dans l'émission de demain après-midi. Ouais. On va écouter ça, puis on revient avec la conclusion de l'émission après. Oui, c'est ça. Puis on pourrait expliquer le concept de la pièce là, que vous entendez, que vous trouvez insupportable. Mais en fait, c'est ça, les gars, on avait parlé un peu la semaine passée. Ils veulent faire un genre d'anti-libdob, mais ils pourront nous en reparler eux-mêmes, étant donné qu'on n'est pas tant au courant. Donc, on voulait juste vous dire qu'on vous a pas fait endurer cette pièce-là pour rien. Il y a vraiment quand même une raison et un contexte. On va l'apprendre la semaine prochaine. Peut-être. J'espère. S'ils sont là, hein. Nous, on fait juste leur garder un pied dans la bâtisse en faisant une petite chronique comme ça, n'importe comment, là. Hein, juste pour dire qu'il n'y a pas de trou dans leur chronique, tu sais. Hey, à tantôt. C'est la fin de Carré le monde. C'est pas fini encore? Non, ça dure toute l'année, ça. Wow. Ouais. Bref, c'est la fin d'Assemblage requis pour aujourd'hui, Kiwan. Oui, nous, ça dure pas toute l'année, cette émission-là. Ça a une fin un jour et c'est tout de suite la fin. Et après nous, juste après l'émission, c'est la tienne. Tu restes avec les auditeurs adorés de C'est fou pour la dernière porte à gauche, n'est-ce pas? Oui, la dernière porte à gauche aujourd'hui à l'émission. Il va y avoir, entre autres, du fil console. Il va y avoir Loski, Pascal Bizet. Il va y avoir aussi un style de musique que je passe pas souvent à l'émission, mais il va y avoir un gros bloc de punk rock très sale. Donc, manquez pas ça. Ça s'en vient tout de suite là, à la dernière porte à gauche. Et la suite de Je connais une chanson pour écœurer le monde. Ouais, on pourra peut-être faire une émission un jour spécial, une heure d'écœurer le monde. Après la dernière porte à gauche, il y a l'émission En attendant avec Émilie Adam. Ensuite, à 19h, c'est Volteface pour du rap. Et à 21h, c'est Psy Théâtre avec de la musique électronique. Soyez là demain matin à 7h pour On s'appelle et on déjeune avec Simon Fitzbé. Moi, je vais vous retrouver à 10h pour CNX.zip, l'émission qui compresse les chroniques CNX d'Assemblage requis. Et puis à 13h, il y aura les Palmarès C'est fou que j'animerai en version francophone et Assemblage requis à 15h. Pour Assemblage requis, demain à l'émission, il va y avoir vidéo à la question spéciale Saint-Valentin en retard. Mm-hmm. Et Stéphanie Gagné avec sa chronique sur ses coups de cœur culturels, divertissants, alternatifs. C'est vraiment. Donc c'est demain à 15h ici à l'émission Assemblage requis. Bonne soirée. Bonne émission, Kiwan. Bye, Matt. Bye.